siente. Mis appris de mes futurs parterres. Reste à craindre que la valeur ne vale plus rien. Et le soleil détruit pour faire le plein. Mais qui rêve vraiment de changement? Les gens trépassent, la mort passe lentement. Et deux sourds à la place des deux yeux. Et le soleil au loin semble plus vieux. Qui meurt dans ses fantasmes? Qui crève dans ses rêves? Qui meurt dans ses fantasmes? Qui meurt dans ses rêves? Aux sentiments achetés par la télé. Aux travailleurs condamnés à la misère. Levons un verre à ceux qui n'ont plus de terre. Et consommons pour ne plus y penser. Ses fantasmes. Qui crève dans ses rêves? Qui pleure la mort? Et qui a conscience de ce chaos?